Yeah.

Je ne les comprends pas. Le rideau se ferme et tes lumières s'éteignent. Mais la nuit, je rêve de toi sans moi. Tu es parti là-bas. Thank you. Left alone, and it's like needles to bone.